Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. C'est François Grégoire qui vous parle. Les éléphants d'Afrique sont de plus en plus menacés par le braconnage et le trafic d'ivoire. Les spécialistes estiment que d'ici les 10 prochaines années, si des mesures efficaces ne sont pas mises en place, l'éléphant d'Afrique rejoindra la liste des espèces éteintes à l'état sauvage. Un constat alarmant, mais tout à fait réaliste, au vu du dernier recensement, comme nous l'en fait part Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Et oui, les derniers chiffres à jour datent de 2013, et selon ces chiffres-là, il resterait moins de 500 000 représentants de ce géant de la brousse. Donc, c'est une diminution de la population de moitié en seulement 30 ans. Pour te donner une idée, au début du 20e siècle, sur le continent africain, il y avait 20 millions d'éléphants. OK. Ben, ça paraissait beaucoup, 500 000, mais quand on compare à 20 millions... C'est vraiment pas beaucoup. Ouais, effectivement. Et pire encore, le taux de mortalité criminelle en raison du braconnage dépasse celui des naissances. Donc, la population n'arrive plus à se renouveler de façon naturelle. Et chaque année, c'est de 25 à 35 000 éléphants qui sont massacrés chaque année uniquement pour leur défense. C'est pas pour la viande, c'est vraiment pour l'ivoire encore. Okay. Même si c'est interdit encore. Okay. C'est principalement pour cette raison-là qu'ils sont tués. Des carcasses d'éléphants qu'on retrouve en pleine brousse, ben on les défend sciés et le reste du corps pourri au soleil, c'est vraiment très dommage. Et c'est aussi une découverte quasi quotidienne des gardes de chasse. Et puis ça, c'est principalement dans l'est du continent. Là. Okay. La Tanzanie, le Mozambique, le Kenya, on sait, c'est les fameux endroits où on retrouve la faune africaine la plus connue. Là. Donc c'est pas mal l'endroit du continent qui est le plus touché. Et malgré qu'il y a eu une interdiction du commerce, il y a de ça déjà 20 ans, le commerce de l'ivoire est interdit, les éléphants d'Afrique restent menacés par le braconnage et l'attrait pour l'ivoire en Extrême-Orient, bien, plus particulièrement en Chine, est malheureusement encore en pleine expansion et ça atteint même des niveaux records. C'est extrêmement populaire, les sculptures en ivoire en Chine. Et ça vaut très cher aussi. Le trafic international d'ivoire génère des montants faramineux et le braconnage est de plus en plus intensif. À ce point tel qu'on peut dire que l'ivoire, là, c'est l'or blanc. Et ça reste extrêmement prisé en Chine, en Thaïlande. On fabrique des bijoux, on fabrique des statuettes, comme je dis, en ivoire. Parce que c'est un signe de prospérité en Chine et en Asie. C'est un peu culturel, si on pourrait dire. La destruction régulière des stocks qui sont saisis par les autorités, ça dissuade même pas les braconniers d'arrêter leur massacre, en fait. Et le renforcement du contrôle des grandes réserves non plus. C'est un constat assez désolant, en effet, que tu nous dresses. Oui. Est-ce que les pays les plus concernés par le braconnage et le trafic d'ivoire ont des points en commun? Oui, c'est des pays qui sont assez pauvres et dont le gouvernement est assez souvent corrompu et il est sollicité en permanence par d'autres nations qui sont friandes d'ivoire illégal, comme la Chine et la Thaïlande. C'est pour te donner une idée de la façon que ça s'expédie. On cache ça généralement dans des conteneurs. Parmi les produits qui sont exportés légalement, comme des noix, des coquillages, du poisson séché, ou sinon, on met ça derrière des faux planchers ou des cloisons. Selon l'association Trafic, qui est spécialisée dans la traque des exportations illégales d'espèces menacées, la plus grande partie de l'ivoire de contrebande va quitter l'Afrique par des ports ou des aéroports, soit du Kenya ou de la Tanzanie, avant de transiter par la Malaisie, le Vietnam, ça c'est l'Asie du Sud-Est, les Philippines, ou Hong Kong, et puis ça va se rendre en Chine et en Thaïlande. Avec la complicité de tout le monde, bien entendu. Ouais, un peu. Pour te donner une autre idée, j'ai sorti quelques chiffres intéressants. Oui, s'il vous plaît. En février 2012, dans le nord du Cameroun, il y a eu un massacre de en quelques semaines de 650 éléphants. Ah. En 2013, on a saisi 41 tonnes d'ivoire illégale. Et aussi, un kilo d'ivoire, ben, ça peut valoir aujourd'hui plusieurs milliers de dollars. Okay. Donc, l'attrait est très grand. Est très grand, oui. Dans un pays comme le Mozambique, qui est aussi dans l'est, qui est à côté du Kenya, de la Tanzanie, dans l'est de l'Afrique, le nombre d'éléphants est divisé par 2 en 5 ans. Ça a chuté de 20 000 à près de 10 000 seulement à cause du braconnage. Le recensement des éléphants au Mozambique, il a été réalisé par avion sur un échantillon d'à peu près 10% du territoire. Et c'est à partir de ces chiffres-là qu'on a un peu extrapolé pour se donner une idée à peu près de combien la population avait été décimée. 95% des éléphants décimés, ben, ça s'est produit dans le nord du Mozambique. La population est passée d'environ 15 000 à 6 000 individus. C'est à cet endroit qu'on retrouve la réserve de Niassa. Et ça jouxte la frontière avec la Tanzanie et ça abrite à peu près 70 % des éléphants du Mozambique. Et c'est la zone la plus particulièrement touchée de ce pays-là. Et est-ce qu'on est en mesure d'expliquer ces chiffres-là, Mélanie? Mais ces chiffres-là s'expliquent par la venue en masse des braconniers qui sont d'origine tanzanienne. Ils traversent la frontière. Et la population d'éléphants en Tanzanie, là, elle a été décimée. Il en reste presque plus. Donc là, ben, ils en cherchent ailleurs. Le principal problème, c'est, on pourrait dire, c'est celui de la gouvernance. Le nord du pays, il est un peu reclus et très difficile à gouverner. Il y a beaucoup de corruption. Mm-hmm. Et il y a certains policiers, même des douaniers qui se laissent facilement acheter, comme je te disais tout à l'heure. Ça engendre le commerce illégal engendre beaucoup d'argent. Donc, ça peut être facile d'acheter certaines personnes importantes. De corrompre. Exactement. Et il y a même d'autres qui vont carrément louer leurs armes aux braconniers. Dans l'est du pays, les braconniers du Mozambique passent également la frontière sud-africaine pour abattre les rhinocéros du célèbre parc Kruger. Ça, c'est un autre dossier que je pourrais vous en parler encore pendant de longues minutes. Le rhinocéros est à peu près aussi, la situation est encore même pire que les éléphants. Ce qui est vraiment désolant, c'est que les braconniers vont dans des parcs, dans des réserves nationales protégées. C'est comme si ici, là, ben, des gens débarquaient, ils allaient dans les parcs de la CEPAC, puis ils tuaient les chevreuils, puis si, admettons, ils étaient en voie d'extinction. Là. C'est aussi grave que ça. Il n'y a aucune frontière aux braconniers. Okay. Et même sous la pression internationale, le Mozambique a adopté en juin 2014 une loi sur la biodiversité pour criminaliser l'abattage des animaux protégés, mais malgré ça, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Ben, on pourrait dire que c'est un pas dans la bonne direction, dans la mesure où la loi va être appliquée. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y en est des sanctions? Quelles sanctions les braconniers avaient-ils avant l'adoption de la nouvelle loi? Et quelles sont celles que la nouvelle loi prévoit? Avant cette loi-là, les braconniers s'en sortaient seulement avec une simple amende pour port d'armes illégales. C'est ridicule. Uh-huh. Heureusement, ça a changé parce que maintenant, les braconniers sont arrêtés, sont jugés. Il y a même des agents de police puis des douaniers aussi qui sont arrêtés. En avril et mai dernier, la nouvelle police environnementale a arrêté 4 officiers de l'armée qui tuaient des éléphants. Et on voit quand même des signes encourageants parce que on s'en sort plus avec seulement une amende. Là. Les gens sont arrêtés puis ils vont faire de la prison ou ils vont avoir des amendes beaucoup plus importantes. Okay. Le 14 mai dernier, la police mozambicaine a effectué la plus grande saisie de l'histoire du Mozambique. Ils ont saisi 1,3 tonnes d'ivoire et de cornes de rhinocéros. Ça correspond au massacre de plus de 200 animaux. Et il y a un étranger d'origine asiatique qui a été arrêté. La police n'a pas pu remonter, malheureusement, pour l'instant, jusqu'au réseau criminel qui faisait exporter la marchandise en dehors du pays, mais peut-être qu'ils vont réussir à remonter jusque-là, on l'espère. Les défenses d'éléphants et les cornes de rhinocéros, c'est malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est super prisé en Asie. L'ivoire, c'est un signe de richesse, et les gens portent ça en bijoux, et... Tandis que les cornes de rhinocéros, là, ben ça sert pour des remèdes traditionnels. Ouais. Mais je fais une parenthèse ici, là, les cornes de rhinocéros, là, c'est de la kératine. C'est des cheveux et des ongles. Donc, ça n'a pas de propriété particulièrement intéressante. Mais malheureusement, c'est dans la tradition chinoise, ils ne pensent pas comme ça. Et on estime que la population de rhinocéros au Mozambique est complètement éteinte depuis 2013. La progression du braconnage des éléphants fait craindre que cette espèce-là suive le même chemin. Et si le braconnage continue dans le même rythme, l'éléphant, là je parle à l'état du continent, l'éléphant pourrait carrément disparaître à l'état sauvage d'ici aussi peu qu'une vingtaine d'années. Et c'est dommage parce que plusieurs emblèmes africains sont même déjà disparus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de rhinocéros au Mozambique. Et les grands prédateurs aussi échappent pas à cette menace-là. Autre parenthèse, les lions... ils sont assez menacés, mais eux, c'est pas vraiment par le braconnage, c'est plus par l'expansion urbaine et l'agriculture humaine. Donc, je crois qu'il faut vraiment agir le plus rapidement, le plus efficacement possible, mais c'est toujours difficile dans des pays, dans un contexte comme ça. Parce que si ça continue, ben, les grands mammifères africains, le seul endroit où on va pouvoir les voir, ben, c'est dans les zoos. Oui, tout à fait. Et comme le disait tout à l'heure Geneviève, acheter, c'est voter. Donc, effectivement, si on n'est pas pour ça, on n'en achète pas. Exactement. Mm-hmm. Alors, merci beaucoup, Mélanie, de nous avoir sensibilisés sur le sort de ces animaux. C'est un plaisir.